Quinzième veillée des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Enregistré par Kalinda. Les maîtres sonneurs de George Sand. Quinzième veillée. Cependant, ma vue s'éclaircit peu à peu, et mes pieds, que la souleur tenait comme chevillés en terre, me permirent de suivre le grand boucheux qui m'entraînait du côté des loges. Je fus alors bien étonné de voir que nous étions seuls avec sa fille, Joseph, Brulette et les trois ou quatre anciens qui avaient assisté au combat. Tout le reste du monde s'était ensauvé sitôt qu'on avait vu prendre les bâtons, afin de n'avoir point à témoigner en justice si l'affaire tournait mal. Les gens des bois ne se trahissent point les uns et les autres, et pour n'avoir point à être appelés et tourmentés par les hommes de loi, ils s'arrangent pour ne rien savoir et n'avoir rien à dire. Le grand boucheux parla aux anciens dans leur langage, et je les vis retourner sur le lieu de combat, sans pouvoir imaginer ce qu'ils y voulaient faire. Je suivis Joseph et les femmes, et nous revînmes aux loges sans nous dire un mot les uns aux autres. Quant à moi, j'avais été si secoué en moi-même que je ne me sentais point en train de causer. Quand nous fûmes rentrés dans la loge, nous étions tous si blêmes que nous nous fîmes quasiment peur. Le grand boucheux, qui nous avait rejoints, s'assit, l'air pensif et les yeux fichés en terre. Brulette, qui avait fait un grand effort pour ne questionner personne, fondit en larmes dans un coin. Joseph, comme accablé de fatigue et de soucis, s'étendit de son long sur le lit de fougère. Thérence, seule, allait et venait pour préparer la couchée, mais elle avait les dents serrées, et quand elle faisait effort pour parler, il semblait qu'elle fût devenue bègue. Mais, au bout de quelques moments, donnés à la réflexion ou à l'inquiétude, le grand boucheux se leva et nous regardant tous. « Eh bien, mes enfants, nous dit-il, qu'est-ce qu'il y a donc ? Une leçon a été donnée, en toute justice, à un mauvais homme, connu dans tous ses passages pour quelques méchantes actions, et qui avait abandonné sa femme, laquelle en est morte de misère et de chagrin. Il y a longtemps que ce Malzac déshonorait le corps des muletiers, et s'il fut mort, personne ne le pleurait. Faut-il que nous soyons tristes et tourmentés pour quelques bons coups de mon fils Uriel lui apporté en franche bataille? Pourquoi pleurez-vous, Brulette? Avez-vous le cœur si doux que vous plaignez le vaincu? Et ne jugez-vous point que mon fils a bien fait de venger votre honneur et le sien? Il m'avait tout raconté, et je savais que, par prudence pour vous, il n'avait pas voulu punir sur l'heure le méfait de son confrère. Il aurait même souhaité que Tienne n'en parlât point et n'y fût pour rien. Mais moi, qui ne voulais point de manquement à la vérité, j'ai laissé parler Tienne comme il a cru devoir faire. Je suis content qu'il n'ait pas pu s'exposer dans une bataille très dangereuse pour celui qu'on ne connaît point les feintes. Je suis content aussi que la bonne chance ait été pour mon fils, car, entre un homme juste et un mauvais chrétien, j'aurais pris parti dans mon cœur pour le juste, encore qu'il n'eût point été le sang de mon sang et la chair de ma chair. Parents-y, remercions Dieu qui a bien jugé, et lui demandant d'être toujours pour nous, en ceci et en toutes choses. » Et le grand boucheux se mit à genoux et fit avec nous la prière du soir, dont chacun se sentit réconforté et tranquillisé. Puis, on se sépara de bonne amitié pour prendre du repos. Je ne fus pas longtemps sans entendre que le grand boucheux, dont je partageais toujours la chambrette, dormait dur, malgré un peu d'angoisse dans ses rêvasseries. Mais dans la loge des filles, j'entendais toujours pleurer Brulette, qui en était malade et ne se pouvait remettre. Et comme elle parlait avec Thérence, j'approchai mon oreille tout près de la cloison, non point par curiosité, mais par souci de sa peine. « Allons, allons, rentrez vos pleurs et vous endormez, » disait Thérence d'un ton décidé. « Les larmes ne servent de rien, et je vous l'ai dit, il faut que j'y aille. Si vous réveillez mon père, qui ne le sait point blessé, il voudra y aller, et ça peut le compromettre dans une mauvaise affaire, au lieu que moi, j'y n'y risque rien. » « Vous me faites peur, Thérence. Comment irez-vous toute seule trouver ces muletiers? Tenez, ils m'effraient toujours beaucoup, et pourtant j'y veux aller avec vous. Je le dois, puisque c'est moi qui suis la cause de la bataille. Nous appellerons Tiennet. » « Non pas, non pas, ni vous, ni lui. Les muletiers ne regretteront pas Malzac si elle meurt. Bien au contraire. Mais s'il avait été mis à mal par quelqu'un qui ne fut pas de leur corps, et surtout par un étranger, à l'heure qu'il est votre ami, Tiennet serait en mauvaise passe. Laissez-le donc dormir. C'est assez qu'il ait voulu s'en mêler, pour qu'il fasse bien, à présent, de se tenir tranquille. Quant à vous, Brulette, sachez bien que vous y seriez mal reçue, puisque vous n'avez pas, comme moi, un intérêt de famille qui vous y attire, et où personne, chez eux, ne s'avisera de me contrecarrer. Ils me connaissent tout et ne craignent pas que je sois de trop dans leurs secrets. Mais croyez-vous donc les trouver encore dans la forêt? Votre père n'a-t-il pas dit qu'ils s'en allaient dans le haut pays et ne passeraient pas la nuit dans les environs? Il faut toujours qu'il y reste le temps de panser le blessé. Mais si je ne les trouvais plus, je serais tranquille, car ce serait la preuve que mon frère n'a que peu de mal, et qu'il aurait pu se mettre en route avec eux tout de suite. Est-ce que vous l'avez vu, cette blessure? Dites, ma chère Thérence, ne me cachez rien. Je ne l'ai pas vu. On ne voyait rien. Il disait n'avoir reçu aucun mauvais coup, et ne pensait point à lui-même. Mais regardez, Brulette, et ne vous écriez pas. Voilà le mouchoir dont je lui ai essuyé la figure, et que je croyais mouillé de sa sueur. J'ai vu, en arrivant ici, qu'il était tout trempé de son sang, et il m'a fallu du courage pour retenir mon saisissement devant mon père, qui était bien assez soucieux, et devant Joseph, qui est bien assez malade. » Il se fit en silence, comme si Brulette, en regardant ou en prenant le mouchoir, eût été suffoquée. Puis, Thérence lui dit, « Rendez-le-moi. Il faut que je le lave dans le premier ruisseau que je rencontrerai. » « Ah !» dit Brulette, « laissez-le-moi garder, je le tiendrai bien caché. »« Non, mon enfant, » répondit Thérence, « si les gens de justice avaient levé de quelques batailles, ils viendraient tout bousculer ici, et mêmement fouiller les personnes. Ils sont devenus très tracassiers depuis quelque temps, et voudraient nous faire renoncer à nos coutumes, qui se perdent bien assez d'elles-mêmes, sans qu'ils y mettent la main. »« Hélas !» dit Brulette, « ne serait-il pas à souhaiter que la coutume des batailles aussi dangereuse fût ôtée de votre pays ?»« Oui, mais cela dépend de bien des choses auxquelles les juges du roi ne peuvent ou ne veulent rien. »« Il faudrait qu'ils rendissent la justice, et ils ne la rendent guère qu'à ceux qui ont le moyen de la payer. »« En est-il autrement dans vos pays ? Vous n'en savez rien, mais je gage bien que c'est comme chez nous. » Seulement, les berrichons ont le sang très lourd, et ils patientent avec le mal qu'on ne peut le faire, sans s'exposer à en chercher un pire. Ici, ce n'est point de même. L'homme qui vit dans la forêt, s'il ne se défendait point des méchants comme des loups et des autres mauvaises bêtes, ne pourrait point exister. Est-ce que, par hasard, vous blâmeriez mon frère d'avoir demandé justice devant son monde, d'une injure et d'une menace qu'il avait été forcé d'endurer devant vous? Il y a peut-être bien un peu de votre faute, dans la rancune qu'il en avait gardée. Songez à cela, Brulette, avant de l'accuser. Si vous n'aviez pas marqué tant de chagrin et de dépit pour les insultes de ce muletier, il les aurait peut-être oubliées pour sa part, car il n'y a pas homme plus doux que Riel et plus enclin à pardonner. Mais vous vous teniez pour offensé, et vous avez promis réparation, il vous l'a payé bonne. Ce n'est pas un reproche que je vous fais, ni à lui non plus. J'aurais peut-être été aussi chatouilleuse que vous. Et quant à lui, il a fait son devoir. Non, non, dit Brulette, se remettant à pleurer. Il ne me devait point de s'exposer pour moi comme il l'a fait, et j'ai eu tort de lui montrer ma fierté. Je ne me le pardonnerai jamais, et s'il lui arrive malheur d'une manière ou de l'autre, votre père et vous, qui avez été si bons pour moi, ne pourrez non plus me faire grâce. Ne vous tourmentez pas de cela, répondit Thérence. Arrive ce que Dieu voudra. Vous n'aurez point de reproche de nous. Je vous connais à présent, Brulette, et je sais que vous méritez l'estime. Allons, essuyez vos larmes et tâchez de vous reposer. J'espère que je n'aurai pas de mauvaises nouvelles à vous rapporter, et je suis sûre que mon frère sera consolé et guéri à moitié, si vous me permettez de lui dire le chagrin que vous cause son mal. Je pense, dit Brulette, qu'il y sera moins sensible qu'à votre amitié, et qu'il n'y a point de femme au monde qu'il puisse aimer autant qu'une sœur si bonne et d'un si grand courage. C'est pourquoi, Thérence, je me reproche de vous avoir demandé votre gage de première communion. Et s'il lui prenait envie de le revoir, je pense que vous feriez bien de le lui rendre, puisque vous l'avez à votre collier. À la bonne heure, Brulette, dit Thérence, et pour cette parole, je vous embrasse. Dormez en paix, je pars. Je ne dormirai pas, répondit Brulette. Je prierai Dieu de vous assister jusqu'à ce que je vous voie de retour. J'entendis Thérence sortir doucement de sa loge, et j'en fis autant, une minute après. Je ne pouvais point m'accommoder la conscience de l'idée que cette belle jeunesse allait ainsi s'exposer toute seule aux dangers de la nuit, et que, par crainte pour moi-même, je ne ferais pas ce qui était en moi pour lui porter assistance. Les gens qu'elle allait trouver ne me paraissaient pas si commodes et si bons chrétiens qu'elle les disait, et d'ailleurs, ils n'étaient peut-être pas les seuls à battre les bois à cette heure. Notre danse avait attiré des gredots, et l'on sait que tous ceux qui demandent la charité ne la font pas aux autres, quand l'occasion du mal leur est belle. Et puis, je ne sais pas pourquoi la figure rouge et luisante du frère Carme, qui avait si bien fêté mon vin, me revenait en mémoire. Il m'avait semblé ne pas baisser souvent les yeux quand il passait auprès des filles, et je ne savais point ce qu'il était devenu dans la bagarre. Mais comme Thérence avait témoigné à Brulette ne vouloir point de m'accompagner pour aller trouver les muletiers, souhaitant ne pas lui déplaire, je me déterminai de la suivre à portée de lui, sans me montrer à elle, si elle n'avait pas occasion de crier à l'aide. À cette fin, je lui laissai donc prendre environ une minute d'avance, mais pas davantage, encore que j'eusse aimé à tranquilliser Brulette en lui disant mon dessein. J'aurais craint de me retarder et de perdre la piste de la belle des bois. Je la vis traverser la clairière et entrer dans le taillis qui descendait vers le lit d'un ruisseau, non loin de l'âge. J'y entrai après elle, par le même sentier, et comme il s'y trouvait beaucoup de crochets, je la perdis bien vite de vue, mais j'entendais le petit bruit de son pas, qui, de temps en temps, cassait une branche morte par terre ou faisait rouler un petit caillou. Il me semble qu'elle marchait vite, et j'en fis autant pour ne me point trop laisser dépasser. Deux ou trois fois, je me crus si près d'elle que je me détardai un peu pour ne pas me faire voir. J'arrivai ainsi à l'une des routes tracées dans les bois, mais l'ombrage de la futaie y régnait si dru que j'ai beau regarder à ma droite et à ma gauche, je pus rien voir qui me fit connaître quel côté elle avait pris. J'écoutai, l'oreille penchée vers la terre, et j'entendis dans la sente qui continuait de l'autre côté du chemin, le même bruit des branches qui m'avait déjà servi. Je me hâtai d'aller par là, jusqu'à un autre chemin qui me conduisait au ruisseau, et là, je commençais à croire que je n'étais plus sur la trace de Thérence, car le ruisseau était large et vaseux, et quand je l'eus passé, en y enfonçant beaucoup, je ne trouvai plus aucune trace frayée. Il n'y a rien qui trompe comme les sentiers de bois. En des endroits, les arbres se trouvent plantés de manière qu'on croit avoir trouvé une allée, ou bien les animaux, en allant boire quelques mares, ont battu un passage. Mais tout à coup, on se trouve pris dans des ronces si méchantes ou enfoncé dans un terrain si mouvant que rien ne sert de s'y obstiner. On n'y entrerait que pour s'y égarer de plus en plus. Cependant, je m'y entêtais, parce que j'entendais toujours du bruit devant moi, et même ce bruit devint si certain que je me mis de courir, me déchirant aux épines et m'enfonçant au plus épais. Mais une manière de grognement sauvage que j'entendis me fit connaître que ce que je poursuivais était un sanglier, qui commençait à s'ennuyer de moi et m'avertir qu'il en avait assez. N'ayant qu'un bâton pour défense, et ne connaissant d'ailleurs point la manière d'avoir raison d'une pareille bête, je quittai la partie, et revins sur mes pas, un peu inquiet que ce sanglier ne s'imaginât, par honnêteté, de me vouloir faire de la conduite. Par bonheur, il n'y songea point, et je remontai jusqu'au premier chemin, d'où, à tout hasard, je tirai du côté qui conduisait à l'entrée du bois de Chambéra, où nous avions fait la fête. Encore que dérouté, je ne voulus point renoncer à mon idée, car Terence pouvait aussi bien que moi faire rencontre d'une bête sauvage, et je ne pense point qu'elle sût des paroles pour s'en faire écouter. Je connaissais déjà assez la forêt pour ne m'y point perdre longtemps, et je gagnai l'endroit de la danse. Il me fallut quelques moments pour m'assurer que c'était bien la même clairière, car j'avais compté y retrouver ma ramée que je n'avais pas pris le temps d'enlever, non plus que les ustensiles dont je l'avais garni, et j'en trouvai la place aussi nette que si elle n'y eût jamais été. Cependant, en y regardant bien, je reconnus l'endroit où j'avais enfoncé les pieux et celui où les pieds des danseurs avaient brûlé le gazon. Je voulus me remettre en route vers le côté par où les muletiers avaient emmené Uriel et emporté Malzac. Mais j'eus beau chercher à m'en souvenir, j'avais été si empêché de mes esprits dans ce moment-là que je ne pus m'en faire une idée. Force me fut d'aller là à l'aventure, et je marchai ainsi toute la nuit, bien las, comme vous pouvez croire, m'arrêtant souvent pour écouter et n'entendant que les chevêches qui criaient dans les arbres ou quelques pauvres lièvres qui avaient plus peur de moi que moi de lui. Encore que le bois de Chambéra ne fît dans ce temps-là qu'un seul bois avec celui de l'Alleu, je ne le connaissais pas, ni ayant été qu'une fois depuis que j'étais en ce pays. Je ne fus pas longtemps sans m'y trouver perdu, chose qui ne me tourmenta guère, car je savais que ni l'un ni l'autre de ces bois n'était d'une conséquence à me mener jusqu'à Rome. D'ailleurs, le grand bûcheux m'avait déjà appris à m'orienter, non par les étoiles, qui ne se voient pas toujours en une forêt, mais par la direction des maîtresses branches, lesquelles, en nos pays de mi-temps, sont souvent battues de vent de galerne et s'étendent plus volontiers vers le levant du jour. La nuit était très claire et si douce que si je n'eusse été galopé de quelques soucis d'esprit et fatigué de mon corps, j'aurais pris aise à la promenade. Il ne faisait point clair de lune, mais les étoiles brillaient dans le ciel, qui n'était embrouillé d'aucune nuée. Et mêmement, sous la feuillée, je voyais très bien à me conduire. Je m'étais fort amendé en courage depuis le temps où j'avais peur en la petite forêt de Saint-Châtier, car, tout au rebours, je me sentais aussi tranquille que dans notre âne. Et voyant fuir les animaux à mon approche, je ne m'en souciais plus du tout. Je commençai aussi à reconnaître que ces endroits couverts, ces ruisseaux grouillants dans la ravine, ces herbages fins, ces chemins de sable, et tous ces arbres d'un beau croix et d'une grande fierté pouvaient faire aimer ce pays à ceux qui en étaient. Il y avait de grandes fleurs, dont je ne sais point le nom, qui sont comme gueules blanches picotées de jaune, et dont l'odeur est si vive et si bon que par moments je me serais cru en un jardin. En marchant toujours vers le couchant, je gagnai les brandes et suivis longtemps la lisière, écoutant et regardant partout. Mais je ne rencontrai signe du monde en aucun lieu, et m'en revins sur le pic du jour sans avoir trouvé ni Terence ni personne à qui parler. Comme j'en avais assez, et ne conservais plus espoir de m'utiliser, je rentrai sous bois, et coupant tout à travers, je vis enfin, dans un endroit très sauvage, sous un gros chêne, quelque chose qui me parut être quelqu'un. Le petit jour grisonnait jusque sur le buisson, et je m'avançai sans bruit jusqu'à portée de reconnaître le froc du frère Carm. Ce pauvre homme, que j'avais soupçonné dans mon esprit, était bien sagement et dévotement agenouillé, et faisait ses prières sans paraître penser à mal. Je m'approchai en toussant pour l'avertir et ne le point effrayer, mais ce n'était pas de besoin, car ce moine était un compère, ne craignant que Dieu, et pas de tout le diable ni les hommes. Il leva la tête, me regarda sans étonnement, puis, renfonçant sa figure sous son capuchon, se remit à marmonner tout bas ses orémus, et je ne voyais que le bout de sa barbe qui dansait à chaque parole, comme celle d'un chèvre qui croque du sel. Quand il me parut avoir fini, je lui souhaitai bonne matine, espérant avoir de lui quelques nouvelles. Mais il me fit signe de me taire, se leva, ramassa sa besace, regarda bien la place où il s'était agenouillé, et avec son pied quasi nu, releva l'herbe et nivella le sable qu'il avait foulé. Puis, il m'emmena à une petite distance et me dit à voix couverte, « Puisque vous savez ce qui en est, je ne suis pas fâché de vous parler avant que je reprenne ma tournée. » Le voyant en humeur de causer, je me gardai de la questionner, ce qui l'eût rendu peut-être plus méfiant. Mais, au moment qu'il ouvrait la bouche, Uriel se montra devant nous, et parut si surpris et même contrarié de me voir là, que j'en fus embarrassé de mon côté, comme si j'étais pris en faute. Il faut dire aussi qu'Uriel m'eût peut-être effrayé si je l'eusse rencontré seul à seul dans la brume du matin. Il était plus babouillé de noir que je ne l'avais encore vu, et un mouchoir, serré sur sa tête, cachait si bien ses cheveux et son front qu'on ne voyait guère de sa figure que ses grands yeux, qui paraissaient creusés et qui avaient perdu leur feu ordinaire. Il avait l'air d'être son propre esprit plutôt que son propre corps, tant il glissait doucement sur les bruyères, comme si le cran déviait même les grêlés et les moucherons cachés dans l'herbe. Le moine prit le premier la parole, non pas comme un homme qui en accoste un autre, mais comme celui qui reprend un entretien après un peu de dérangement. « Puisque le voilà, dit-il en me montrant, il est utile de lui faire des recommandations sérieuses, et j'étais en train de lui dire. « Puisque vous lui avez tout dit, reprit Uriel en lui coupant la parole d'un air de reproche, à mon tour, je coupai la parole à Uriel pour lui apprendre que je ne savais encore rien, et qu'il était libre de me cacher ce qu'il avait sur le bout de la langue. « C'est bien à toi, répondit Uriel, de ne pas chercher à en savoir plus long qu'il ne faut. Mais si c'est ainsi, frère Nicolas, que vous gardez un secret de cette conséquence, je regrette de m'être fié à vous. Ne craignez rien, dit le Carme, je croyais ce jeune homme aussi compromis que vous. Il ne l'est pas du tout, dit Uriel, Dieu merci, c'est assez de moi. Tant mieux pour lui s'il n'a péché que par intention, reprit le moine. Il est votre ami, et vous n'avez rien à en craindre. Mais quant à moi, je serais bien aise qu'il ne dit à personne que j'ai passé la nuit dans ces bois. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Dit Uriel. Un muletier a été blessé par accident. Vous lui avez donné des soins, et grâce à vous, il sera vite guéri. Qui peut vous blâmer de cette charité? « Oui, oui, dit le moine, Gardez bien la fiole et usez-en 2 fois par jour. Lavez bien la plaie à l'eau courante aussi souvent que faire se pourra. Ne laissez point les cheveux s'y coller et tenez-la à couvert de la poussière. C'est tout ce qu'il faut. Si vous veniez à prendre la fièvre, faites-vous faire une bonne saignée par le premier frataire que vous rencontrerez. Merci, dit Uriel. J'ai assez perdu du sang comme cela, et ne crois point qu'on en ait jamais trop. Grâce vous soit rendue, mon frère, pour vos bons secours, dont je n'avais pas grand besoin, mais dont je ne vous sais pas moins de gré. Et à présent, recevez nos adieux, car voilà qu'il fait jour, et votre prière vous a retenu ici un peu trop. Sans doute, reprit le moine, mais me laisserez-vous partir sans me faire un bout de confession? J'ai soigné votre peau, c'était le plus pressé, mais votre conscience est-elle en meilleur état, et pensez-vous n'avoir pas besoin de l'absolution, qui est pour l'âme ce que le baume est pour le corps? J'en aurais grand besoin, mon père, dit Uriel, mais vous auriez tort de me la donner. Je n'en suis pas digne avant d'avoir fait pénitence, et quant à ma confession, vous n'en avez que faire pour me prêcher, vous qui m'avez vu pécher mortellement. Priez Dieu pour moi, voilà ce que je vous demande, et faites dire beaucoup de messes pour les gens qui se laissent trop emporter à leur colère. J'avais cru d'abord que le muletier plaisantait, mais je connus que non, à la manière triste dont il parla, et à l'argent qu'il remit au calme en finissant son discours. « Comptez que vous en aurez selon votre générosité, » dit le crâne, en serrant l'argent dans son aumônier. Et il ajouta d'un air qui ne sentait point le cagot. « Maître Uriel, nous sommes tous pécheurs, et il n'y a qu'un juge qui soit juste. Lui seul, qui n'a jamais fait le mal, est en droit de condamner ou d'absoudre les fautes des hommes. Recommandez-vous à lui, et comptez que tout ce qui est à votre décharge, il vous en fera profiter dans sa miséricorde. Quant au juge de la terre, bien sot et bien lâche serait celui qui voudrait vous envoyer devant eux, qui sont faibles ou endurcis comme des créatures fragiles. Repentez-vous, vous aurez raison, mais ne vous trahissez pas, et quand vous sentirez la grâce, vous appelez au tribunal de pénitence. N'ayez affaire qu'à un bon prêtre, voire à une pauvre carme déchaussée comme le frère Nicolas. Et vous, mon enfant, dit encore le bonhomme, qui se sentait un goût de prêcher, et qui voulut me donner aussi son coup de goupillon, apprenez à modérer vos appétits et à surmonter vos passions. Évitez les occasions de pécher, fuyez les querelles et les rixes sanglantes. C'est bon, frère Nicolas, dit Uriel en l'interrompant. Vous prêchez un converti, et vous n'avez pas de pénitence à commander à celui dont les mains sont restées pures. Adieu. Partez, je vous dis, il est temps. Le moine s'en alla en nous donnant la main, d'un grand air de franchise et de bonté. Quand il fut loin, Uriel, me prenant le bras, me ramena vers l'arbre où j'avais vu le crâne en prière. Tiens, me dit-il. Je n'ai aucune méfiance de toi, et si j'ai fait semblant de rappeler ce bon frère au silence, c'est pour le rendre prudent. Au reste, il n'y a guère de danger de son côté. Il est le propre oncle de notre chef archignat, et c'est, en outre, un homme sûr, toujours en bonne relation avec les muletiers, qui l'aide souvent à transporter les denrées de sa collecte d'un lieu à l'autre. Mais si je suis tranquille sur lui et sur toi, ce n'est pas une raison pour que je te dise ce que tu n'avais pas besoin de savoir, à moins que tu ne le souhaites pour ne pas douter de mon amitié. Tu en feras ce que tu voudras, lui répondis-je. S'il est utile pour toi que je sache les conséquences de ta batterie avec Malzac, dis-les-moi. Quand même, j'aurais regret à les entendre. Sinon, j'aime autant ne pas trop savoir ce qu'il est devenu. « Ce qu'il est devenu, » répéta Uriel, dont la voix sembla étouffée par un grand malaise. Et il m'arrêta aux premières branches que le chêne étendait vers nous, comme si leur craint de marcher sur un terrain où je me voyais pourtant nulle trace de ce que je commençais à deviner. Puis il ajouta, en jetant devant lui un regard obscurci de tristesse, et parlant de ce qu'il voulait taire, comme si quelque chose le poussait à se trahir. « Tiens, te souviens-tu des paroles glaçantes que cet homme nous a dites au bois de la roche ? Il ne manque pas de fosses dans les bois pour enterrer les fous, et ni les pierres, ni les arbres n'ont de langue pour raconter ce qu'ils ont vu. » « Oui, » répondis-je, sentant une sueur froide me passer par tout le corps. Il paraît que les mauvaises paroles tentent le mauvais sort, et qu'elles portent malheur à ceux qui les disent. Fin de 15e veillée. Enregistré par Kalinda en Lunebourg, Allemagne, le 15e février 2009.